Merci Seigneur pour un mail. Introduction. Seigneur Jésus, aujourd'hui mon cœur te rend grâce pour le trésor que tu as placé dans ma vie. Arnel, mon bijou. Quand je regarde derrière moi, je vois ta main qui me guide pas à pas. Dans mes combats, dans mes prières, tu as posé Arnel sur ma terre. Elle est venue comme une douce lumière, un cadeau descendu du cœur du Père. Et chaque jour mon âme s'émerveille devant la beauté de cette merveille. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur, pour ce trésor que tu m'as donné. Merci Seigneur pour Arnel, la lumière que tu as mise dans mes pas. Une femme décente vertueuse, un bijou précieux les perles, comme la femme vertueuse des Écritures. La sagesse habite dans ses paroles et la bonté éclaire sa demeure. Force et dignité sont ses vêtements, elle bâtit avec courage et dévouement. Et quand je regarde ce trésor précieux, je bénis Jésus du fond de mes yeux. Elle est vertueuse, elle est courageuse, elle aime le Seigneur et elle marche avec Dieu. Je sais que des vents souffleront et que parfois les combats viendront, mais j'ai la foi et la conviction que Dieu conduira notre mission. Même dans les défis et les challenges, nos cœurs resteront dans la louange. Et par la puissance du roi des rois, nos victoires éclateront devant toi. Avec Dieu nous vaincrons, avec Dieu nous triompherons, avec Dieu nous avancerons, et son nom sera glorifié. Nous remporterons des victoires. Oui, Seigneur, nous écrirons une grande histoire. Merci Seigneur pour Arnel, le miracle que tu as placé. Mon trésor, que le Seigneur Jésus bénisse tes pas et remplisse ta vie de sa paix. Ton tendre époux, qui t'aime énormément.